Certains d'entre eux ont déjà reçu les premières indications sur la façon dont ils doivent réagir si un particulier se procure de larges quantités de produits dangereux. Le but à terme avec la brochure, c'est que les commerçants puissent dénoncer ces individus. Une information des journaux flamands Utlandet News et De Morgen aujourd'hui. À l'étranger, le calme en Syrie. Les échanges de tirs ont cessé depuis hier soir, depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu. Une trêve négociée par les États-Unis et la Russie. Dans le même temps, le pouvoir syrien assure avoir abattu un avion israélien et un drone aussi de ce pays, après un raid israélien contre des positions de l'armée syrienne au sud de la Syrie. Mais Israël dément cette information. Le Luxembourg appelle à exclure la Hongrie de l'Union européenne, en tout cas temporairement. Selon le chef de la diplomatie luxembourgeoise, la Hongrie de Viktor Orban viole les valeurs démocratiques fondamentales de l'Union. Il a notamment pris en exemple les clôtures qui ont été mises en place pour bloquer les réfugiés aux frontières du pays. Aux Jeux paralympiques de Rio, une nouvelle chance de médaille belge aujourd'hui. Peter Geneyn participe à la finale du 100 mètres en fauteuil roulant. Ça sera un peu après 15h30 heure belge. En tennis en fauteuil roulant cette fois, Joachim Gérard poursuit son chemin aux Jeux. Aujourd'hui, il joue le quart de finale face au japonais Shingo Kunieda, un sacré adversaire puisqu'il est le double champion paralympique de la discipline. Une rencontre prévue à 17h heure belge. Et chez nous, la météo, le temps est exceptionnellement chaud à cette période de l'année. L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, le confirme de 27 à 32 degrés pour un 13 septembre. Le ciel restera donc bleu toute la journée. Quelques nuages feront tout de même leur apparition dans le courant de la journée à l'ouest du pays. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas de vous hydrater. Un point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel. Oui, et des ralentissements observés ce matin sur le 25 Bastogne-Liège entre Beaufailly et Tilf avec 5 km de fil. Vous perdez 15 minutes en direction de Liège. Accident sur le ring de Bruxelles, l'extérieur à hauteur de Zaventem en direction de Grand-Bigard. À cela s'ajoutent quelques ralentissements entre Woluwe, Saint-Etienne et Zaventem, entre Strombeek et Wemel vers Grand-Bigard. Circulation intérieure entre Grand-Bigard et Jette vers Zaventem, il y a pas mal de monde également. Accident sur la 12 envers Bruxelles, hauteur de Londres. La bande de gauche est neutralisée en direction de Bruxelles. Et autre accident à Bruxelles, la chaussée de Mons est fermée vers le centre à hauteur de la rue Maurice-Xonneux et le pont du canal. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Sébastien Aulvois arrive sur Vivacité pour On n'est pas des pigeons. On s'installe gentiment autour de la table, retour de l'info à midi. Merci Justine. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui, il fait beau. Ouais, ben oui. Prêt à passer 2 heures dans ce studio? Oui. Pour divertir les gens qui sont en train de se prélasser, peut-être sur leur terrasse déjà, et qui font chauffer le barbecue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons aider Jacqueline aujourd'hui qui a voulu commander des produits miracles pour faire régime. Oui, ben elle n'aurait pas vu. Oui, mais en fait, voilà. C'est ça. C'est son portefeuille qui a fait régime. Oui, mais c'est même pas. C'est même pas. C'est que maintenant, on lui réclame des sous et en fait, elle croit qu'elle avait gagné, enfin, qu'elle commandait quelque chose. Une commande, c'était plutôt gratuit. D'accord. Encore voilà, un truc bizarre. Un peu confus à régler tout à l'heure avec vous, Annie. Dans le journal de la conso, on voit qui réussit le mieux son permis de conduire, Aurore. C'est l'histoire d'un Russe, d'un Roumain et d'un Zoulou qui passent leur permis de conduire. Qui va réussir d'après vous? c'est le Russe. Il va réussir son permis alors, de conduire. Alors, en tout cas, ceux qui parlent russe en Belgique réussissent très bien leur permis de conduire. C'est pourquoi? Parce que le moniteur a peur. c'est peut-être ça. Avec Isabelle, on va parler mariage, mais pas nécessairement du côté glamour. Allez, c'est vrai, mariage, amour, d'accord, mais il y a aussi parfois des petites questions d'argent derrière tout ça. Ah, alors, oui. Est-ce qu'on conclut un contrat de mariage ou pas? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ça dépend de la dot de la future mariée. Vous ne pensez pas à ça. Est-ce que mâcher du chewing-gum après le repas, c'est bon pour les dents? C'est ce que laissent entendre certaines marques de chewing-gum. On s'est penché là-dessus. On appellera Corinne, notre journaliste, qui a certainement la réponse. Et puis d'ici 13h, Saskia nous parlera d'une application running que vous êtes en train de tester, jeune fille. Oui, j'ai testé. Ça s'appelle Belgium Running, qui a été créé par les Borlais. Les Borlais, ah d'accord, oui, mais il faut courir vite alors. Bon, c'est la question sur la page Facebook du jour, tiens. Oui, on vous demande si vous faites appel à ces applications pour vous aider à courir, pour vous motiver, pour enregistrer vos performances. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour aller courir? Voilà, dites-nous tout sur le running et les applications autour du running. Sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. Et les SMS 3063, ça coûte 50 centimes le message. Imani, côté musique. Ça va remuer. J'aime bien ce morceau. Il y aura aussi Maître Gims et Sia. Ça, ça remue un petit peu moins, mais c'est sympa aussi. Vous écoutez Vivacité, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Elle approche la chute, et ça tes jolies jupes n'y font rien. Elle approche la chute, et même nos parachutes n'y pourront rien. Nous allons faire un pas en souhaitant qu'en bas ce sera comme avant, qu'en bas seront morts en tombant l'indifférent. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Approche la chute et elle va droit au but, mais là de rien. Elle approche la chute, peu importe que tu luttes, tu peux plus rien. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en priant qu'en bas ce sera différent, qu'en bas seront morts en tombant nos vies d'avant. Nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en avant, en avant, en avant, en avant. Ne regarde pas en bas, donne-moi la main. À trois, on sera libre enfin. On saura vite si c'est la fin. Nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait un pas en avant, en avant. Au bord du gouffre, nous avons fait. Soares, c'était il y a 2 ans avec Au bord du gouffre. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Pas mal de réactions sur la page Facebook au sujet du prix du diesel qui pourrait dépasser celui de l'essence d'ici quelques années. On vous en parlait hier en télé. Oui, et Nathan nous écrit « Tant que j'aurai mon diesel, je roulerai avec, mais par après, je passerai à l'hybride. » Dany lui pose une question. Pendant des années, on nous a poussé à acheter du diesel parce qu'il émet moins de CO2. Aujourd'hui, il faudrait acheter de l'essence parce qu'elle émet moins de particules. Pourtant, tous les véhicules diesel récents sont dotés d'un filtre à particules. À quoi celui-ci sert-il ? Bonne question, bah, voilà. Nous ne sommes pas mécaniciens. Et puis, si un mécanicien peut répondre... Alors, quelqu'un a répondu sur la page, mais je vous avoue que je n'ai pas compris la réponse. C'est trop mécanique, donc je ne me lance pas là-dedans. D'accord. Et puis, Jean-Daniel se veut rassurant. Il y a 2 ou 3 ans, on nous disait que le prix de l'essence allait fortement augmenter, au-dessus des 2 euros le litre. À cause notamment des nappes qui sont vides et des conflits qui ne facilitent rien. Aujourd'hui, il y a toujours de l'essence, toujours des conflits, et le prix a fortement diminué. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, moi. Bref, on n'en sait pas plus. Un petit coup de géopolitique en un commentaire Facebook. Facebook aussi, où il y a des réactions sur le retour d'Hubert. Oui, il y a les inquiets, comme Alix qui nous écrit « Heureuse de votre retour, Hubert, c'est toujours un plaisir de vous voir. Néanmoins, j'ai une inquiétude. Votre voix semble fatiguée. Une légère perte de poids, il me semble, et le teint pas comme d'habitude. J'espère que tout cela est dû au maquillage et au matériel. Je vous espère en pleine santé. Mais rassurez-vous, Alix, Hubert va bien et même très bien. Je ne sais pas, nous, on n'a pas constaté de gros changements. On l'a trouvé au contraire en grande forme, donc tout va bien. Myriam et Marie-Paul sont ravis aussi de retrouver Hubert, et puis Auguste nous écrit, il est super cet homme, et JP, le retour du roi bicarbonate. On a reçu aussi un message sur le répondeur. Oui, c'est un vieil ami, on ne l'avait plus entendu depuis longtemps, tiens. Bonjour, Roger Maréchal de Malmedy. Est-ce que les automobilistes ne sommes-nous pas de plus en plus des pigeons? Ainsi, pour la première fois depuis 40 ans, au Mémorial Van Damme, sur le parking C, ils ont fait payer tous les automobilistes 5 euros de parking. Faites le compte, des milliers d'automobilistes, franchement, trop c'est trop, ne trouvez-vous pas? Merci. Ça s'appelle un parking payant, Roger de Malmedy. Oui, ça coûte beaucoup de sous d'entretenir un parking, faire surveiller, et puis l'espace qui ne peut pas être utilisé en même à autre temps, chose. Un jour, il sera transformé en stade, donc il n'y aura plus de problème. Ouais. On termine avec une photo de Malou. Oui, sur notre page Facebook, elle nous a laissé une photo en se demandant comment ça se fait qu'il y a un insigne un peu particulier sur l'étiquette d'un vêtement. Mm-hmm. Donc on voit tous les insignes qu'on trouve d'habitude, interdit de repasser, ça doit être la va 30 degrés, etc. Ouais. Et puis il y a le logo d'un poulet barré. Ah. Et je dois bien avouer qu'en voyant cette photo, on se demande aussi, est-ce que ça veut dire c'est qu'on quoi, ne peut pas quand on porte... Mais il n'y a que l'étiquette du vêtement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était un pantalon, une jupe? On ne peut pas manger de poulet quand on porte ce vêtement. Ou alors, on ne peut pas habiller un poulet avec ce vêtement. Ouais. C'est peut-être ça. Ça me paraît plus logique. Oui, c'est interdit au poulet, en tout cas. On dirait effectivement un poulet. Il a des cuisses de poulet et il est mis warning. Si c'est un uniforme de la police, le logo, c'est un poulet. On est un petit peu emmerdant. Bon, si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Il y a Imani qui arrive après la pub. Et puis, on aidera Jacqueline qui a voulu faire un régime et ça lui coûte bien cher cette histoire. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendervel. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur îlotsacré.be. La 2, en télé. Je sais pas ce que t'as en tête, mais moi je peux pas te faire sortir de prison. Tous les établissements ne sont pas connectés. Et même si c'était le cas, il faudrait des semaines pour trouver une faille dans la sécurité. Non, c'est pour ce soir. Mister Robot. De nouveaux épisodes. Ce mercredi, sur la 2. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my steps, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Cité avec le titre Don't Be So Shy. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. Nous allons parler régime à 11h18. Des régimes, il y en a de toutes formes, de toutes sortes, et certains peuvent se faire avoir. J'ai envie de dire beaucoup, malheureusement. Parce que c'est alléchant, les propositions. Mais ça fait 5 ans que cette émission existe. Je crois qu'on a testé un peu tous les régimes possibles et imaginables. Et au final, c'est toujours un petit peu un flop. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Jacqueline ? Ça va. Vous avez vu une pub en TV, vous avez vu une pub sur Facebook pour un régime. Il vous proposait quoi, ce régime ? C'était quoi la méthode ? En fait, c'était Comme J'aime. Donc, on recevait... Comme J'aime, c'était quoi ? Le nom du régime ? C'est le nom du régime. D'accord. Et on reçoit chez nous, enfin tout. On n'avait vraiment plus que les fromages blancs et les fruits achetés. D'accord. Ok. Et ça vous a coûté combien, cette histoire ? Normalement, c'était gratuit pendant un mois. D'où le côté alléchant. Vous avez répondu, voilà. Vous avez voilà. Reçu les produits. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Y avait une facture dedans de 319 euros. Ah, le gratuit à 319 euros, c'est pas bon. C'est cher, le gratuit. Ouais, et vous avez rappelé la firme, alors ? Donc, c'est-à-dire que ils m'ont rappelé parce que, bon, j'avais pas payé. Mm-hmm. Donc, je leur ai... Non, c'est un mail. Voilà, ils m'ont envoyé un mail. Donc, moi, je leur ai répondu que c'était publicité mensongère puisque et il disait que c'était gratuit. Et de là, elle m'a expliqué en fait que comme c'était un régime qui allait durer pour une assez longue période, qu'ils allaient chaque fois me déduire un peu de ce que je devais payer. D'accord. Particulier, Annie s'est penchée là-dessus, évidemment. Ben oui, c'est assez bizarre. Alors, comme j'aime, c'est une société qui se trouve en France. Et quand vous êtes sur le site, la première chose qui saute aux yeux, c'est un petit encart où on vous demande vos coordonnées. Vous devez aussi indiquer le nombre de kilos que vous voulez perdre ou bien le nombre de kilos auxquels vous voulez arriver. Et puis, il est bien mis « gratuit sans engagement ». Voilà, c'est ce qu'on lit. Donc, Jacqueline, je suppose que vous avez renvoyé vos coordonnées, puis vous avez été contactée par le, voilà, par le site. Oui. Vous avez reçu votre colis chez vous. 4 semaines à 79 euros la semaine, ce qui explique le montant qu'on réclame actuellement à Jacqueline, 319 euros. Alors, je vous ai demandé l'échange des mails, puisque vous avez quand même échangé des courriers avec le site. Oui. Alors, vous avez commencé votre cure au mois de juillet, donc ça veut dire... Down each breath. Get What You Give, les New Radicals en 1998. Alors ça, il y a des morceaux qu'on avait presque oubliés. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Merci les programmateurs de Vivacité d'avoir ressorti de la bonne musique. Voyez les gars, quand même qu'on peut le faire. Pas compliqué. Bon, Annie, revenons sur le cas de Jacqueline qui est toujours avec nous en ligne. Jacqueline qui avait décidé d'entreprendre un régime avec une offre alléchante parce que c'était un mois d'essai gratos. Voilà. Sauf que il y avait 4 semaines de cul. Oui. Sauf que le gratos s'est transformé en 319 euros. Oui, voilà. Bon. On était en contact avec la société française. Comme on j'aime. A essayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, il s'est passé qu'après une joyeuse sonnerie, ben, ça sonne trois fois et puis on raccroche. D'accord. Donc, impossible, Jacqueline, d'avoir un interlocuteur. Bon, j'ai envoyé un mail, donc j'espère avoir une réponse. Dossier va suivre. On aura certainement une réponse. Alors, mais en attendant, que peut-on dire à Jacqueline et aux autres qui seraient tentés de plonger sur une offre comme ça, gratuite pendant un mois? C'est cool. Voilà. Alors d'abord, quand on vous dit gratuit, sans engagement, etc., lisez bien tout, en ce compris les minuscules caractères qu'on a fâcheuse tendance à oublier de lire, parce que ces caractères-là vous engagent quand même. Donc vérifiez. Alors quand vous êtes sur un site, par exemple comme j'aime.fr, c'est qui, c'est quoi? Il faut aller dans le bas de la page et absolument cliquer sur « Mention légale ». Vous obtiendrez tous les renseignements et toutes les précisions sur la société, sur le site, les adresses, registre de commerce, etc. Et donc, Jacqueline, ici, on le répète, c'est un site français. Puisque vous avez un souci, puisqu'on vous réclame 319 euros, que vous avez reçu trois rappels qu'à mon avis, ils ne vont pas vous lâcher, une seule adresse, Centre européen des consommateurs, qui se trouve à Bruxelles. Il peut vous venir en aide, il y a une équipe de juristes, ils vont éplucher votre dossier, vous allez devoir fournir évidemment tous les documents que vous avez reçus, je vous donnerai les informations après, mais ils vont prendre contact avec le site, puisque ça se trouve en France, que ça fait partie de l'Union européenne, et ils vont essayer de dépatouiller, comme on dit, le dossier, peut-être d'arriver à une solution. Voilà, ça vaut pour tous les gens qui ont un souci. Et c'est facile, hein. CECBelgique.be, on remplit un petit questionnaire et ils prennent le dossier en main, et c'est gratuit, et franchement, il faut les utiliser. 02 542 33 89. Bon, Jacqueline, prochaine fois qu'il y a un truc gratuit, vous faites gaffe, hein. Oui. Bon, allez, on va faire comme ça. Merci, Jacqueline. Bonne fin de matinée à l'écoute de Vivacité. On part sur les routes. Et on se tourne vers vous, Jean-Marc Strel, Dieu de la route, comment ça se passe? Écoutez, il y a un accident sur le ring de Bruxelles, l'extérieur au kilomètre 31, hauteur de Zaventem. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées en direction de Grand Bigard. La circulation intérieure du ring est fluide. L'extérieur, ça ralentit entre Woluwe et Saint-Étienne et Zaventem, entre Strombeke et Wemel vers Grand Bigard. Et puis un accident dans Bruxelles, la chaussée de Mons est fermée vers le centre, à hauteur de la rue Maurice-Xonneux et du canal. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ouvrons la presse, c'est le journal de la conso avec un dossier qui va peut-être vous faire voir le monde différemment, certainement. Ouvrons les journaux du groupe Sud Presse qui répondent à cette question existentielle. Qui réussit le mieux son permis de conduire? Critère particulier qu'on a pris là-bas, visiblement, c'est la langue du candidat. Oui, si vous parlez russe, vous avez plus de chances d'obtenir votre permis que si vous parlez zoulou. Les zoulous, on parle en Afrique du Sud, principalement. Le GOCA, le groupement des entreprises agréées pour le contrôle automobile et le permis de conduire, a passé son temps, on peut vraiment dire passer son temps, à analyser des statistiques en fonction de la langue. Donc, puisque en Belgique, et c'est d'ailleurs un des rares pays où c'est possible, on peut passer son permis dans n'importe quelle langue, pourvu qu'il y ait un traducteur agréé. Donc, aussi bien le pratique que le théorique. Hein, d'accord. Les deux. Oui. Et donc, en 2015, 10 personnes qui parlaient le zoulou ont passé et échoué leur d'accord. permis de conduire chez nous. C'est donc les statistiques pour les zoulous, c'est de 0% de réussite. Mais ils n'ont pas de chance, ils n'étaient que 10. Hein? Et peut-être que le traducteur était très mauvais. Peut-être aussi. Si c'est possible. Bon. Chez les 65 russophones qui ont passé le permis, 75% l'ont réussi. Ah, ça c'est les champions. Hein. Et puis les personnes qui parlent arabe, roumain, albanais, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Ça tourne autour des 20% de taux réussite. Je ne vous fais pas toute la liste parce qu'il y a vraiment des langues dans tous les sens, y compris des dialectes qu'on parle en Inde que personne d'accord. ne connaît mais qui existent. Mais voilà. Est-ce qu'ils ont fait français et flamand? Non. Ah, oh, Certainement. Alors, j'ai pas les chiffres, mais ça fait partie de leurs statistiques, on va dire traditionnelles, ça. Hein. Donc, bravo les Russes. Et alors, il faut faire, si ça vous dit, voilà, si vous dites, oh, bah, tiens, moi, je passerais bien dans une autre langue, il faut faire attention parce que chaque centre ne passe pas toutes les langues. Donc, il faut vous renseigner un petit peu. Je veux passer mon permis de conduire tout de suite. Je veux l'avoir maintenant. Et puis, il y a déjà eu des soucis. D'accord. Plusieurs années avec des dossiers où les traducteurs manœuvraient plutôt les étudiants. Et, oh, nous, vous voyez le mal partout. Si, mais vous voyez le mal partout. Oui, oui, oui. Bon, on change de gazette. Oui. Si vous entendez une pub à la radio pour devenir des cobayes humains, pas de panique, c'est normal, selon la DH. Oui, ça fait partie des missions de l'AFMPS, l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé. C'est elle qui donne son accord pour les tests réalisés par les sociétés pharmaceutiques, mais aussi les universités. Et la publicité, à savoir faire connaître ces tests, fait aussi partie de ces missions, puisque l'agence est aussi impliquée dans le recrutement des volontaires. L'année dernière, 614 expériences ont reçu son aval, dont 51 cas de première administration à l'homme. Et j'oserais quand même pas, moi. Vous oseriez, c'est la première fois qu'on teste un médicament sur l'homme. Vous oseriez, Annie ? Pourquoi pas, mais c'est payant tout ça. Hein. Oui, d'accord. Oui, mais on se fait payer. Attendez, il y a des étudiants qui gagnent. Est-ce qu'il y a déjà eu des décédés quand on a administré la première fois non. Oui, il y a déjà eu des graves problèmes, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais des choses très graves. Je vais revoir ma copie. Oui. Notre stagiaire, Saskia, étudiante, est-ce que vous feriez ça? Puisque non. C'est certainement non, vraiment le. Vraiment pas. Non, je ne tenterai pas le coup. Non, non. Non, c'est. Ben voilà. Moi, je dirais ça dépend pour combien. Voilà, je suis terre à terre. Bon, on passe à autre chose. Oui. Si vous comptez profiter de la chaleur et du soleil pour aller piquer une petite tête à la mer, vous pourriez être déçu. Mais oui, puisque certaines stations interdisent la baignade malgré le temps magnifique dont on peut profiter ces derniers temps, faute de sauveteurs, puisqu'avec la fin des grandes vacances, eh bien, ils sont retournés soit aux études, soit à d'autres occupations pour la plupart. Concrètement, on peut nager uniquement dans 3 stations, Blankenberg, Knokkeist et Coxyde. Les 7 autres communes affichent drapeau rouge. C'est celui qui enfreint la règle risque une amende de 250 euros. Oui, donc il vaut mieux pas rigoler avec ça. En plus, ça peut être dangereux. Effectivement, ça peut être dangereux. Puis on termine avec les sandwichs à 1 euro qui n'ont pas tenu leur promesse auprès des étudiants. La capitale annonce la fin de Sandwigo à Bruxelles. On en avait déjà parlé dans cette émission. Oui, en tout cas près de l'ULB, puisque c'est là que le snack avait installé une de ses implantations. Vous en avez parlé dans les pigeons la saison dernière. Le principe était simple, un sandwich pour 1 euro, un tarif qui était censé séduire les étudiants, mais 6 mois seulement après l'ouverture, l'établissement qui est situé près de l'ULB vient de mettre définitivement la clé sous le paillasson et que les fans du concept se rassurent, un autre Sandwigo ouvert rue de la Paix à Excel reste lui bien ouvert et remporte même un franc succès. Voilà pour la presse du jour. Il y a Maître Gims et Sia qui arrivent après la pause. Et puis, on va parler mariage, Isabelle. Oui, mariage et argent. Ah. Bon, ça fait pas toujours bon ménage, c'est drôle. Voilà. Ça permet des engueulades dans les familles, quoi, en gros. Oui, en gros. Dans 5 minutes. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Pourquoi il faut toujours être sage? Je suis nul en classe. Je n'ai pas d'amis. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Il n'y a personne qui m'aime. Spécial et rien. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meize et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meize et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête à Anderlecht. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras. Pardonne, mais vraiment jusqu'au bout. C'était Sia et Maître Gims. On n'est pas des pigeons. Ça le fait, hein. Ouais, c'est impressionnant. On a des frissons. Et ça claque, hein. Isabelle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez me faire une demande. Ah non, pardon. Ah non. Vous allez nous parler, voyez son sourire. Vous allez nous parler mariage, donc. Quelle perspicacité, Sébastien, vous m'étonnerez toujours. Alors, quand on se marie, on pense à quoi d'abord? À la cérémonie, qui on va inviter, quelle tenue on va mettre? À la nuit de noces d'abord. Bah, vous êtes comme ça, vous. Oui. Bon, si vous attendez la nuit de noces, c'est votre droit. Mais il y a une chose à laquelle les futurs mariés pensent de moins en moins, c'est au contrat de mariage. Alors, il y a une enquête qui a été demandée récemment par une députée fédérale. En 2015, 6 couples sur 10 ont choisi de ne pas souscrire à un contrat de mariage et jamais le chiffre n'a été aussi bas. En même temps, je peux comprendre, c'est pas super glamour de s'engager en pensant déjà à la rupture. C'est pas vrai nécessairement pour la rupture, c'est pour les difficultés qu'il pourrait amener, mais c'est vrai que quand on se marie, on se dit qu'on n'aura jamais de difficultés, que la vie est belle, alors pourquoi passer devant un notaire pour conclure un tel contrat? Parce que c'est quoi finalement un contrat de mariage? Moi, j'étais voir sur le site officiel, c'est un contrat qui permet de régler les rapports économiques et financiers entre les époux et de prouver la propriété des biens. C'est vrai que c'est pas très glamour. Concrètement, s'il n'y a pas de contrat de mariage, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, par défaut, on dit que vous êtes marié sous le régime légal, qui est un des trois types de contrat de mariage. Et le contrat légal, c'est quoi? Ben, on a en ligne Maître Dubuisson. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, le contrat légal, c'est quoi? Donc c'est l'équivalent du régime de la communauté réduite aux acquêts que connaissaient nos parents et grands-parents ou arrière-grands-parents plus en des jeunes. Donc c'est un régime dans lequel tout est commun. Vos revenus sont communs, tout ce qui est acquis durant le mariage est commun. Mm-hmm. Donc à l'exception donc des biens qui proviennent d'un héritage ou d'une donation. Mm-hmm. D'accord. Mais c'est pas le contrat le plus courant. Il semblerait que le contrat le plus courant, est-ce que c'est pas celui de la séparation des biens? Et quel est l'avantage de ce contrat-là par rapport aux autres? Donc le contrat de mariage de communauté donc a pour effet donc que tout tombe dans la communauté, donc que d'office les biens donc appartiennent aux deux parties. Mm-hmm. Le contrat de séparation de biens, il y a une division des patrimoines. Chacun a son patrimoine avec éventuellement une partie indivise, donc qui appartient aux deux époux, soit moitié-moitié, un tiers, deux tiers, enfin toutes les fractions qu'on veut. Et donc là, chacun gère son patrimoine sans avoir à en référer à l'autre conjoint. Donc clairement, c'est un régime plus individualiste, mais qui peut se justifier par la profession de l'un ou l'autre des époux. Donc par exemple, si l'un des deux est indépendant, c'est peut-être mieux de s'orienter vers la séparation des biens. Exactement, ça va permettre de protéger le patrimoine de l'autre époux et surtout de ne pas l'associer aux investissements financiers, par exemple, de l'indépendant. Mmh. Et alors, il y a un troisième régime que moi, j'avoue, je ne connaissais pas. Hein, le régime de la communauté universelle, il est courant, celui-là, et ça veut dire non, quoi? Pas du tout. C'était le régime de début 1900, donc là, tout est commun, même tout ce qui provient d'un héritage ou d'une donation. Et alors, donc vous, c'est vous vraiment un régime qui n'existe plus. Donc, plus mais c'est possible encore. En gros, si je veux épouser demain Liliane Bettencourt, si je veux épouser Liliane Bettencourt, la riche héritière de Rennes, je demande le contrat avec la communauté universelle. Voilà. Merci. C'est ce que à mon avis, elle ne voudra pas. Mais Maître Dubuisson, pour le régime de la séparation de biens, il faut vraiment passer chez un notaire pour ça. On est d'accord. Il faut faire un contrat. Il faut faire un contrat. D'accord. Tandis que le régime légal, il est d'application si on ne contracte pas de contrat de mariage avant son union. Mmh. Et ça, vous le constatez vraiment? Il y en a de moins en moins de contrats de mariage? Il y a effectivement un peu moins de contrats de mariage. Et vous le conseillez? Les époux modifient parfois leur contrat de mariage en cours de mariage, parce qu'un des deux époux, par exemple, devient indépendant. Ouais, ok. Donc rien n'empêche de le modifier, alors de faire choix du régime de la séparation des biens. Et combien ça coûte pour établir un contrat, pardon? Combien ça coûte pour établir un contrat de mariage, de séparation? Il faut compter entre 350 et 400 euros. Et quand on le modifie, c'est encore rebelote, il faut passer à la caisse? Oui, malheureusement, oui. Ah mince, alors. Et là, c'est un peu plus long comme procédure. Là, donc c'est plus cher. Dans l'approche des 1000 euros, oui. Bon, ah oui, faites un contrat, c'est plus sûr. C'est ce qu'on dit à tous les futurs mariés, ils sont prévenus. Merci Maître Dubuisson. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. C'est vert. Eh oh, c'est vert. Quoi? C'est vert, je te dis. Ah ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats regardent à vous, simplement sur ses deux pieds. Il voulait être lui, vous comprenez. Il était patriote. Il serait mort du genre d'honneur auquel il honore. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelles raisons bizarres, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça. Il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds. Il voulait être lui. Souvenir de 1980, France Galles, il jouait du piano debout. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Qui mâche du chewing-gum régulièrement autour de cette table? Non. Non. Non. Mais vous avez déjà vu les pubs où on te dit que le chewing-gum remplace le dentifrice? Oui. On te dit qu'il faut manger du chewing-gum après le repas. Est-ce que ça vous arrive de manger un chewing-gum après le repas? Si on a mangé de l'ail, ouais, bah pour voilà, nos ça. Collègues, c'est quand même plus sympa. Ouais, parce que certains fabricants, effectivement, laissent entendre que certains chewing-gums pourraient contribuer à l'hygiène dentaire. On s'est penché, évidemment, là-dessus. Corinne Gerbinet, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les dentistes conseilleraient ce genre de chewing-gum? On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il existe un partenariat entre la société de médecine dentaire et une certaine marque de chewing-gum, qui ne manque pas de s'en vanter d'ailleurs, hein, de son partenariat avec les dentistes. Et en fait, on les a contactés et la société de médecine dentaire nous a confirmé effectivement ce partenariat existe bel et bien. Et pourquoi? En fait, il est né au moment où ces fameux chewing-gums ont décidé de retirer le sucre de leur chewing-gum et de le remplacer par un édulcorant. Et ça, pour les dentistes, c'était une une vraie bonne nouvelle, parce que par contre le sucre dans les chewing-gums, ça c'est une vraie cata pour les dents. Donc les chewing-gums sans sucre, ça améliore déjà beaucoup, beaucoup les choses. Alors il faut savoir que l'édulcorant aussi qui se trouve dans ces chewing-gums, c'est le xylitol, c'est le sucre de bouleau. Et ce xylitol, il est connu justement pour avoir une action favorable pour lutter contre les caries. Donc voilà, ceci explique cela, effectivement, mâcher du chewing-gum après le repas. Ça ne remplace pas le brossage, mais, non, c'est ça, j'allais mais dire. Ça peut aider. Mais il vaut quand même mieux se brosser les dents quoi, après le repas. Il vaut quand même mieux se brosser les dents. Évidemment, l'essentiel, c'est de se brosser les dents 2 fois par jour. Ça, tous les dentistes vous le diront. Et l'essentiel, c'est le soir, parce que il faut savoir que la nuit, on produit moins de salive. Or, la salive a une action importante, elle, sur la propreté de la bouche et sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc, c'est le brossage du soir qui est vraiment très important. Et c'est aussi pour ça que le chewing-gum a une action favorable. C'est que le chewing-gum, il va favoriser cette salivation. Et donc, plus on a de salive dans la bouche après le repas, mieux c'est, et d'accord, ça peut effectivement être une aide pour lutter contre les caries, mais en aucun cas ça ne remplace la brosse à dents. Et quelles sont les bonnes habitudes finalement, Corinne, à prendre pour garder de bonnes et de belles dents ? Eh bien, comme on vient de le dire, se brosser les dents 2 fois par jour, ça c'est vraiment essentiel. Et puis aussi, éviter le grignotage entre les repas, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous mangez, il y a ces fameuses attaques acides contre les dents. Donc, après les repas, il y a l'action de la salive, comme je viens de le dire, qui va aider à nettoyer la bouche. Mais après, il est important que les dents aient une période de repos, parce que pendant cette période-là, elles se régénèrent naturellement, les dents. Or, si on mange tout le temps, elles n'ont plus cette période de repos, elles ne savent plus se régénérer, et c'est là qu'elles s'affaiblissent et qu'elles peuvent se carier, s'abîmer. Eh, pas mal. Donc les chewing-gums, on oublie quoi, on est d'accord. Enfin, oui, vaut mieux pas quoi. S'il est sans sucre, après le repas, ça fait pas de tort. Mais oui, voilà, pas après toute la journée peu, en tout cas. Après un petit peu un repas avec de l'ail, comme disait Isabelle, pourquoi pas. On voilà. Reparlera de ça ce soir à la télé à partir de 18h30. Merci Corinne. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you, so just dance. Shouldn't do, but you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance. Just imagine. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Et une question sur la page Facebook. Êtes-vous adepte de la course à pied? Si oui, faites-vous aider d'une application quelconque? Ben, Myriam se fait aider, l'utilise ses applications, les a chargées sur son smartphone, j'y arriverai, et sa montre Gear. Les applications chargées sont Elf et Runtastic. Ces applications m'aident beaucoup pour me motiver, car atteinte de sclérose en plaques et de cancer, ces applications me motivent et m'encouragent à marcher. En plus, ma montre me gronde lorsque je ne suis pas assez remuée. On parlera de ces applications qui vous motivent pour faire du sport dans la deuxième partie de cette émission. Viva Bruxelles est la de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. Vous écoutez Vivacité, il est midi. L'heure de s'informer avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour à tous. Un nouveau coup dur pour l'emploi en Belgique. L'assureur PEV annonce une importante restructuration. Il compte supprimer 300 emplois d'ici 2020. Pour l'instant, l'assureur emploie plus de 1700 personnes. La restructuration concerne 17% des effectifs. C'est une information du quotidien L'Écho. Et selon le journal, l'assureur n'envisage pas de licenciement collectif. L'annonce a été faite lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Le but pour l'assureur, c'est d'améliorer l'efficacité et d'accélérer la transformation de la firme. Cette annonce de PEV fait suite à celle d'AXA et bien sûr de Caterpillar Gosselies. 2200 emplois sont directement menacés là-bas. La direction de Caterpillar devait se rendre normalement à la chambre demain pour s'expliquer, mais elle a une deuxième fois décliné l'invitation. La direction assure qu'il ne s'agit pas d'un manque de respect vis-à-vis de la chambre des représentants ou du monde politique, ni d'un refus de dialogue. En fait, Caterpillar se retranche derrière la loi Renault. Les députés devront donc se passer de cette audition de la direction et rien ne leur permet d'obliger Caterpillar à répondre à leurs questions, puisqu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête dotée de pouvoir. La chaleur et le soleil toujours au rendez-vous en ce milieu de mois de septembre. Le mercure va dépasser presque partout les 30 degrés. Ce 13 septembre sera le plus chaud depuis 69 ans. Alors des températures qui dépassent les 30 degrés au moins deux jours d'affilée, c'est suffisant pour déclencher la phase 1 d'avertissement pour forte chaleur. C'est le cas depuis ce matin. Et cette phase 1 restera d'application jusqu'à demain en fin de journée. Le but, c'est surtout d'informer la population pour prendre des dispositions afin d'éviter les problèmes liés à la chaleur. Olivier Brasseur de Bruxelles Environnement nous donne d'ailleurs quelques conseils et le premier, le plus important, c'est de bien s'hydrater. Surtout pour les enfants en bas âge qui ont moins de réserves d'eau que les adultes et pour les personnes âgées qui ont une tendance à moins ressentir la soif que les autres personnes. Donc ça, c'est vraiment le conseil le plus important à ce stade-ci. Un autre conseil, c'est au moment où il fait très chaud, c'est de limiter les efforts physiques. Les efforts physiques, c'est très bien de les réaliser, surtout, je veux dire, en dehors de ces périodes de chaleur, mais au moment où il fait chaud, il vaut mieux éviter et plutôt rester dans des endroits relativement frais, donc soit dans les habitations, parce que les habitations ont aussi l'avantage de préserver quelque peu par rapport aux concentrations d'ozone, où on y trouve des valeurs environ deux fois inférieures, ou bien à l'extérieur de rechercher des endroits relativement frais, comme des endroits boisés à proximité de plans d'eau. Olivier Brasseur de Bruxelles Environnement, interviewé par Yasmina Favaro. À Rio, après la nouvelle médaille belge décrochée la nuit dernière par Florian Vanacker en tennis de table, les Jeux paralympiques se poursuivent avec cet après-midi vers 15h30 la finale de Peter Gunnein sur 100 mètres en fauteuil. Joachim Gérard poursuit, lui, son tournoi de tennis en fauteuil. Il affronte en fin d'après-midi vers 17h heure belge le japonais Shingo Kunieda, double champion olympique en titre, un gros morceau qui a cependant récemment perdu sa place de numéro 1 mondial. Le joueur namurois est au micro de Manu de Bièvre. On avait fait tout un boulot pour arriver tête sur numéro 2 ici au jeu pour essayer de l'éviter avant la finale. Et malheureusement, lui a moins bien joué cette année, il a été blessé, il s'est fait opérer et il est descendu au classement. Donc maintenant, il va falloir le prendre à la gorge et ne pas lui laisser l'opportunité d'appliquer son jeu. Et j'ai déjà prouvé dans le passé que j'en étais capable et j'ai qu'à tenir tout un match et normalement ça devrait bien se dérouler. Maintenant, il ne faut pas lui laisser justement l'opportunité. RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel, il y a un incendie sur la E313. Oui, c'est l'incendie envers l'autoroute Anvers-Liège au kilomètre 119.1 à hauteur d'Herenthal Ouest. C'est la berme en feu, hein, la berme côté droit de la chaussée qui brûle, donc prudence en direction de Liège. Un autocar est en panne sur le 411 Namur-Arlon à hauteur de Sorine. Bande d'arrêt d'urgence neutralisée en direction d'Arlon. Attention car il y a des débris de pneus sur la bande de gauche. Pour la circulation du ring extérieur de Bruxelles, dernier ralentissement entre Wezembeek et Degem vers Grand Bégard. Et puis un accident toujours à Bruxelles. La chaussée de Mons est fermée vers le centre. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons, continue sur Vivacité avec Sébastien Nolvaux. Merci Justine, bel après-midi. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Un petit peu de sport dans cette deuxième heure d'émission avec Saskia qui va courir pour nous grâce à une application belge. Et oui, j'ai transpiré, j'ai sué pour vous. J'ai testé la nouvelle application pour courir de la famille Borley. D'accord. Prochaine fois, il faudra prendre une douche aussi dans la foulée. Oh, oh, c'est pas gentil. Oh, qu'il est vite. Elle a failli mourir liquéfiée hier avec la chaleur. Oui, j'ai failli tester. Mourir. Bon, la fille de Catherine voulait changer de côte parce qu'elle change d'étude. Mais le propriétaire du côte ne l'entend pas de cette oreille. Ah non, pas du tout. Il trouve que le résilie... annule son contrat, elle ne peut pas, donc il réclame. En fait, il ne lui rend pas la garantie, tout simplement. Tout simple. Comme on ferait, quoi. On va manger des pommes, des poires, des scoubidoubidou, et on va revenir sur l'embargo russe d'il y a 2 ans. Toujours d'actualité, ça. Ah, c'est la question qu'on se pose, parce qu'on a dit une première fois non, c'est fini, c'est 1 an. Puis on a dit, c'est encore prolongé. Est-ce que c'est encore prolongé? Est-ce que nos agriculteurs en souffrent toujours? C'est ce qu'on verra. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on n'oublie pas la question de la page Facebook en lien avec le sujet sportif du jour. Oui, donc on vous demande si vous utilisez des applications pour courir. Lucien nous dit déjà, oui, j'utilise mes chaussures. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Hein. Vous pouvez commenter évidemment notre question sur la page Facebook On n'est pas des pigeons. Envoyez un mail à l'adresse pigeon au pluriel @rtbf.be. Un SMS au 3063, ça coûte 50 centimes le message. Ou laissez un message sur le répondeur 070 222 660. Quel déconneur ce Lucien quand même. Côté musique, il y aura Barry White. Ah, Annie, Barry White. On en a fait des choses hein, sur Barry White. Il y aura Gnash aussi. Ah, dis donc, ça a pulsé sur cette heure de table. Si vous passez justement à table, on vous souhaite un excellent appétit tout le monde. On est encore ensemble jusqu'à 13h. Your hands on my body and t- too strong. You were trembling. You couldn't handle the hot heat rising. Baby, I'm so rising. I was running. You were walking. You couldn't keep up. You were falling down. There's only one way down. I'm giving you up. I'm forgiving it all. You set me free. Adèle sur Vivacité, toujours extrait de son dernier album. Le titre de l'album, c'est 25. Ici, c'est Send My Love to Your New Lover. Vivacité, on n'est pas des pigeons. Je vous propose de faire un petit bond dans le temps à présent. Souvenez-vous, il y a 2 ans, coup de tonnerre dans le monde agricole. La Russie décrétait un embargo sur les produits alimentaires européens en Belgique. C'est le secteur des pommes et des poires qui était particulièrement touché, Isabelle. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on allait faire ses courses, par exemple, au supermarché, on voyait alors d'énormes caisses de pommes et de poires, vraiment pour inciter, de poires belges évidemment, pour inciter les consommateurs à acheter ces fruits-là, pour aider les agriculteurs qui, comme vous l'avez dit, avaient reçu un fameux coup de tonnerre. Alors, cet embargo, point de départ, il devait durer un an, ouais. Puis on l'a prolongé, et puis il a encore été prolongé, donc résultat, il durera finalement... pour le moment, en tout cas, jusque fin 2017. Et dans les magasins, on trouve toujours d'immenses caisses de poires et de pommes ? Eh bien, j'étais faire un petit tour hier, mais dans un seul magasin, donc je n'ai pas une vue très complète de la chose. Alors, j'ai trouvé des poires belges. Je suis à l'entrée, il y avait tout de suite des poires belges, 99 centimes le kilo, c'est vraiment pas cher, me semble-t-il. Mais pour trouver les pommes belges, là, j'ai trouvé... il y en avait, mais il y avait aussi des pommes de Nouvelle-Zélande, de France, bah oui, c'est ça. D'Italie, parfois même assez chères, et pas tant de pommes belges que cela. Bon... on va donner un petit coup de fil, parce que ça va peut-être changer tout ça. On va donner un coup de fil à l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, qui va lancer des actions. Vanessa Poncelet, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez lancer concrètement comme action ? Eh bien, donc, il faut savoir qu'il y a 2 ans, on avait mené des actions de soutien aux producteurs de pommes et de poires en distribuant gratuitement des fruits, notamment aux écoles, à travers toute la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale. Au total, ce sont 1250 écoles qui s'étaient inscrites, soit plus de 320 000 élèves et enseignants qui avaient reçu 53 tonnes de pommes, mm-hmm. distribuées par 8 producteurs wallons. Il y a une campagne radio qui avait été mise en place, ainsi que des dépliants informatifs pour inciter les consommateurs à consommer davantage de fruits. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Oui, cette année, qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Comment ? Vous êtes toujours là ? Je dis ça, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tout à fait. Mais donc, je reviens sur ce qu'on va mettre en place cette année, puisque l'embargo a été prolongé. Et donc, l'Agence Wallonne pour la promotion de l'agriculture va continuer à mener des actions, notamment par le biais du programme européen, cette fois de distribution de fruits et légumes à l'école, où il faut savoir que la pomme est le fruit numéro 1 consommé par les élèves.

doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, just what you got to do with. Your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, baby. Can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. La voix de Barry White en 1974, la belle année. Can't get enough for your love, babe. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Vous savez, nous, on ne recule devant rien pour tester un truc. Sauf peut-être faire du sport après le boulot quand il fait chaud dehors. D'où l'intérêt d'avoir des stagiaires. C'est... Ça aide. Hein. Donc pratique. Saskia, on vous a donné une mission. Tester Belgium Running, c'est une nouvelle application pour courir, créée par nos célèbres sportifs, les frères Borlée. Et oui, ben c'est un fait. Hein. Les stagiaires se font souvent maltraiter et surexploiter. Oh, ça va. Et j'en suis la preuve vivante ici. Entre chercher le café et faire des massages toute la journée aux journalistes, moi j'en peux plus. Hein, Sébastien. J'ai zappé l'histoire des massages. Mais je peux même pas me plaindre, hein, parce que sinon on va me mettre de mauvais commentaires sur ma convention de stage. Alors du coup, quand il y a une personne à la rédac qui a demandé qui voulait tester, comme par hasard, la nouvelle application améliorée de course créée par la Team Borlée, et bah c'était pour ma pomme, hein. C'est Bibi qui a dû s'y coller. Du coup, j'y suis allée courir hier pour après le boulot sous un soleil de plomb à 30 degrés. Et c'est pour vous dire que je suis vraiment le bouc émissaire de la RTBF. Et on va se calmer la stagiaire, dites-nous plutôt ce que tu as pensé de cette application. Bon voilà, au niveau de l'application, comme toute bonne application, le temps, la distance et la vitesse sont indiqués dès les premiers pas de la course. Et à la fin, elle signale les calories perdues. L'application m'a donc indiqué que j'ai couru 5 km en 34 minutes avec une moyenne de 8,67 km/h et que j'ai perdu 277 calories. Peut mieux faire. Est-ce que ces chiffres correspondent à la réalité? Alors dans l'ensemble, oui, mais il y a quand même un chiffre qui m'a gênée, c'est le nombre de calories perdues, parce que j'ai essayé l'application après en marchant sur une durée de 4 minutes, une marche tranquille, et il m'a indiqué que j'ai perdu 66 calories, et ça m'a paru un peu illogique. Mm-hmm. Du coup, j'ai posé la question à un médecin du sport qui m'a dit que c'était parfaitement normal de perdre plus de calories après un effort intense. Comme d'accord, quoi. Ah bah, il faut le savoir. Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres applications pour courir? Et il y en a beaucoup. Hein. Bah, alors, Alors, au-delà du fait que ce soit une application 100% belge créée par nos célèbres sportifs, les Borlés, il y a un avantage dans cette application, c'est l'onglet « To Happiness and Beyond ». En fait, si on clique dessus, ça donne plusieurs conseils. Par exemple, quoi manger, comment bien s'étirer, comment se motiver à courir ou alors comment bien s'échauffer. Et c'est pas, donc, je trouve que c'est pas une simple application pour courir, mais on a vraiment l'impression d'avoir un suivi professionnel. Par exemple, quand on fait du sport, le stretching, c'est hyper important et on sait pas toujours très bien comment faire. Et bien là, l'application nous donne des conseils. Comme par exemple, on doit privilégier les étirements au sol plutôt que debout, ou alors il faut encore s'étirer au minimum 15 minutes après l'effort et tenir la pause au moins 20 secondes. Donc voilà, des petits conseils utiles qui ajoutent de la valeur à cette application. Mais si je voulais pousser un peu plus loin dans cette direction, ben je dirais que l'idéal, ce serait d'avoir des exemples de positions de stretching. On ne sait pas toujours comment s'étirer, quel muscle on doit étirer, etc. Donc voilà, ce serait pour moi l'idéal. Moi, j'appelle la professionnelle, je donne un coup de fil à Annie. C'est Annie qui court dans l'équipe. Hein. Vous avez des trucs et astuces pour vous étirer, pour vous stretcher, pour vous détendre. Oui, c'est vrai qu'il faut moins tirer 20 secondes la pause. Hein. Voilà, courez, ça c'est vrai. Mais moi, je ne supporte pas le truc des applications. Je préfère avoir un coach ou un entraîneur ou une entraîneuse qui m'explique ce qu'il faut faire. Je suis assez. Je suis encore à la vieille école, excusez-moi. Moi aussi, je préfère avoir une entraîneuse. J'ai entendu aussi. Oui, c'est beaucoup plus cher. Il y a aussi une référence de course dans cette application. Oui, tout à fait. Il y a donc un autre aspect qui fait la différence par rapport aux autres applis, c'est le référencement d'un nombre important de courses en Belgique, ce qui est quand même assez pratique pour les grands sportifs et même pour ceux qui veulent s'entraîner près de chez eux. Il y a donc cet onglet liste de courses, vous cliquez dessus et là vous tombez sur toutes les listes, donc sur toutes les courses en Belgique. Écoute, c'est important ça. Comme par exemple, vous tombez sur celle à Ostende qui se passe le 16 septembre à 19h. Et là, ils indiquent plusieurs choses comme la météo, s'il va faire beau ou pas, le nombre de kilomètres que vous devrez faire. Ils donnent aussi un numéro de téléphone et un mail si vous voulez participer, comme ça vous pouvez les appeler. Ouais, c'est un peu sympa. On gagne du temps si on a envie, si on est vraiment un sportif qui accomplit et qui a envie de faire des courses de temps en temps, c'est facile. Bonne application donc. Oui, bonne application. Bon, ça révolutionne pas le genre, mais c'est quand même assez bien fait, c'est complet et c'est gratuit. Et ça, Belgium c'est pas négligeable. Running, nouvelle application des frères Borlée à télécharger évidemment sur vos smartphones, à tester. Et vous nous dites ce que vous en pensez sur la page Facebook, comme d'habitude. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout, il est pané ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet, arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié, vite assez trop du cul, je continue de chanter. Chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me déprime et qui n'imprime que des ragots, que des salades. Toutes ces rumeurs sur ma santé, on va pas en faire une affaire. Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout, il est pané ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. Je dois tout le temps faire gaffe, derrière chaque buisson, à tous ces photographes qui vous prennent pour des cons. Ceux-là m'ont enterré, un peu prématuré, dites à ces enfoirés, je continue de chanter. Renaud, il est toujours debout, il le crie haut et fort, bientôt en concert, forcément près de chez vous. Il y a les titres de l'info qui débarquent, on revient juste derrière. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overhays. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges.

Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings. When love and trust are gone, I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you ever see. How is it you never noticed? I hate you, I love you. C'était Gnash sur Viva. Moi j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. On va parler location, mais pas d'un appartement, d'un cote. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, votre fille avait commencé des études supérieures à Bruxelles l'année dernière. Elle avait loué un cote jusqu'au 28 août. En mai, elle fait savoir au proprio qu'elle comptait relouer son cote, mais les examens sont passés par là, en ont décidé autrement, changement d'option, changement de lieu, changement de cote, et les problèmes commencent. En gros, c'est la situation en bref. Plus ou moins, oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec le propriétaire alors ? Ben, en fait, le premier contrat qui a été signé par moi et mon ex-mari, étant donné que Roman était mineur à l'époque, je dirais que bon, tout s'est bien déroulé. On devait prévenir le propriétaire maximum le 28 juin si Roman voulait relouer ce cote. Dans le cas contraire, ben, le cote prenait fin. On devait avoir une date pour le 28 août pour la remise des clés. Quand j'ai prévenu le propriétaire, plus ou moins en juillet, une fois qu'on avait décidé que Roman ne continuerait pas ses études suite à ses résultats, j'ai contacté le propriétaire pour lui demander une date pour la remise des clés. Et c'est là que, surprise, il m'a répondu que Roman avait signé un autre document qui était un nouveau contrat pour l'année prochaine. Document que je ne connaissais pas. Il me l'a envoyé. C'est en fait un bête de papier sur lequel il y a un talon que Roman a dû remplir. Ce papier datait du 8 mai. Mmh. À l'époque, Roman lui a bien dit qu'elle ne savait pas encore où elle en serait. Elle n'avait pas encore commencé ses examens. Le propriétaire lui a dit qu'il n'y avait pas de souci, que si de toute manière elle ratait, on pourrait revoir la chose, mais qu'il voulait prendre la température pour savoir combien de cotes il pourrait louer en septembre. D'accord. Roman n'a pas répondu tout de suite à ce papier. Après, il est venu vers elle, il a insisté en lui disant que de toute manière, le cote serait reloué si elle ne le remplit pas. Roman a 18 ans. Depuis le mois de décembre, Roman a eu peur, Roman a signé. En parole, si elle ratait ses examens, si elle ne continuait pas, il n'y avait pas de souci. Mais bon, voilà, maintenant j'ai un souci. Du coup, il considère ça comme un nouveau contrat. Il ne veut pas rendre à Roman sa caution. Ah, une caution de combien ? 500 euros. Ah, quand même. Annie s'est un petit peu penchée sur cette histoire. Ben oui, alors on a bien compris hein, qu'il y a un premier contrat qui a été signé en 2015. Les clés ont été remises au propriétaire. Il n'y a pas de dégâts locatifs. Et donc, logiquement, la garantie devrait être restituée au locataire. Alors effectivement, la fille de Catherine a signé un document. Je l'ai sous les yeux. Hein. Donc, je m'engage, locataire du code numéro 1 tel, désire louer ce même code au même terme et conditions que l'année passée, etc. C'est signé. Voilà. Et donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est de connaître la portée exacte de ce document. Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que, oui, je m'engage, mais comme on dit, vous savez, dans le texte du document, il est mis « La fin de l'année approche, on permet de vous interrompre un moment dans votre période d'examen pour vous demander si vous comptez rester l'année prochaine dans votre côte. » Et mm-hmm. donc, c'est effectivement prendre la température des étudiants qui occupent la maison, voir un petit peu qui reste et qui s'en va. Et donc, la question, c'est de savoir si le document qui a été signé le 8 mai par Romane, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce mm-hmm. qu'on peut considérer qu'elle s'est vraiment engagée pour signer un nouveau contrat? Et la deuxième question aussi, quand on parle de garantie, nous, on nous dit toujours, ben, la garantie, on ne la restitue pas s'il y a des dégâts locatifs. Mm-hmm. Or ici, le contrat c'est bien terminé, il n'y a pas de dégâts, et pourtant on ne veut pas rendre la garantie parce qu'on considère qu'on a rompu le contrat et que donc on doit une sorte d'indemnité. Un petit coup de fil à Maître Balthazar, avocat au barreau de Liège. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris connaissance du dossier. Ce document, il vaut quoi? Ben écoutez, il ne vaut pas grand-chose dans la mesure où le contrat de location initial prévoyait un terme, le 28 août 2016. On est dans un contrat de bail de droit commun, pas de résidence principale, sauf erreur. Donc la fille de madame n'était pas domiciliée dans les lieux. Elle occupait les biens comme étudiante. Et donc le terme du contrat, c'est le 28 août, si je ne m'abuse, 2016. Et de surcroît, on lui fait signer un document qui est un document d'engagement unilatéral, qui n'est pas un contrat. On lui demande si elle a l'intention de rester ou pas dans les lieux, et ça avant même les examens. Mm-hmm. On peut donc même se demander s'il n'y a pas un vice du consentement. C'est un peu fort. Quand on entend la maman, on a l'impression qu'on lui a forcé la main. Oui. Et donc, c'est contestable. Si maintenant, on considérait même que c'est un contrat et qu'elle est engagée, il existe une jurisprudence, notamment une décision de Tournai du mois de mai 2007, qui considère qu'à partir du moment où l'élève, l'étudiant ici, a raté son année et qu'il ne va pas recommencer dans cet établissement scolaire où il était et pour lequel il avait loué un cote proche de l'établissement, mm-hmm. on peut considérer que c'est une cause libératoire. Et donc un genre de cas de force majeure, si vous voulez, qui permet donc de dire au propriétaire, écoutez, voilà, je pensais rester dans les lieux, mais finalement j'ai raté, je ne recommence pas, et donc je vous demande de restituer la garantie locative. Donc, à vous entendre, Maître Balthazar, ici, la loi est derrière Catherine et sa fille, quelque part. Voilà. D'accord. Et Catherine et sa fille doivent aller devant le juge de paix. Voilà, c'est ça. La question que j'allais poser ici, concrètement, elle doit faire quoi, vu qu'on a quelque part un propriétaire qui veut pas du tout aller plus loin et garder les 500 euros de caution? Elle doit déposer une requête devant le juge de paix, une requête en libération de la garantie locative, en expliquant ce que je viens de vous dire. Et elle se présente à la justice de paix du canton où se trouve le bien. Mmh. Et là, elle demande ils ont des formulaires type. Mm-hmm. Elle peut demander un formulaire type qu'elle complète elle-même. Ou alors, elle va trouver un avocat et elle demande à un avocat de rédiger avec elle. L'avocat, il faudra le payer. La justice de paix, c'est payé en soi. Il faudra la payer aussi. Ici, les droits d'inscription sont de 40 euros, puisque le montant est de 500 euros. Mm-hmm. Au-delà de 1500 euros, le double, c'est 80 euros. D'accord. Il faudra produire un certificat de domicile. Donc du bailleur, mm-hmm. donc ça il faut le demander à l'administration communale, et elle ne pourra peut-être pas l'obtenir facilement. Non mais d'accord, mais il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen donc d'obtenir, oui. De récupérer d'accord. la garantie. Et donc on peut peut-être avant d'aller devant le juge de paix, peut-être encore essayer une xème fois, peut-être la dernière, Catherine, d'essayer d'avoir encore un contact et de discuter, de produire des arguments comme Maître Balthazar vient de vous l'expliquer, pour essayer quand même de ne pas devoir se retrouver devant le juge de paix, parce non, que gagner, on sait gagner, quand même que d'abord un c'est peu de temps. Pour gagner du temps, et puis devant le juge de paix, ça prend quand même du temps. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, Catherine, le podcast de l'émission sera sur vivacité.be dans le courant de l'après-midi. Vous pourrez réécouter et prendre note absolument de tout ce qui s'est passé. Mais effectivement, c'est bien, en fait, ce dont on vient de parler pour tous les parents qui, un jour, peuvent être confrontés à et de rappeler qu'il y a de temps en temps des décisions de jurisprudence, c'est-à-dire des jugements qui ont été prononcés par d'autres tribunaux et qui peuvent pouvoir être invoqués pour être appliqués. Et tous les étudiants qui nous écoutent peuvent aussi prendre conscience qu'un papier consigne, c'est pas anodin. Donc faites lire à papa et maman quand vous avez 18 ans. Quand je signe, je m'engage. Alors on rappelle que Maître Balthazar, un tout grand merci, il y a les avocats, mais pour les étudiants qui auraient du mal à payer un avocat, on rappelle qu'il y a tous les services Infor Jeunes, avec un service qui s'appelle Droit des Jeunes et des avocats d'ailleurs qui sont à disposition des étudiants au cas où. Voilà pour les conseils du jour. Il y a Patrick Bruel qui arrive côté musique et puis nous jeterons un petit coup d'œil sur la page Facebook où on vous demandait si vous alliez courir de 1, oui, et si vous utilisiez toutes les applications smartphone qui vont avec. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Feuilles mortes, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuilles mortes, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Métairie. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Métairie, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Lequel de toi, lequel de moi aura eu tort? Lequel de nous dira j'y crois encore? Lequel saura lire les silences dans d'autres yeux? Lequel ira tenter sa chance à d'autres jeux? Lequel de moi, lequel de toi dira d'abord que ça vaut peu, que ça vaut plus, qu'on s'aime encore? Lequel passera du côté noir, du côté froid, du côté où l'un de nous deux ne sera pas. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi, puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi aura l'envie de tout laisser, de tout quitter comme si il y avait toujours mieux ailleurs, un autre monde meilleur, une autre vie où tu ne seras pas aussi. Lequel de toi, lequel de moi aura l'audace de de voir en l'autre tout le contraire d'une menace. Accepter même les erreurs, revenir en arrière. Ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre en l'air. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est fou. On ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Tu pourras dire n'importe quoi puisque l'amour c'est tout. Ce qu'il reste entre toi et moi, ça nous suivra partout. Lequel de toi, lequel de moi dira je t'aime, sans rien en échange, rien qui dérange, comme un poème. Un mot d'amour dans les orages de toute une vie à deux. Un mot qui change les sauvages en amoureux. Tu pourras dire ce que tu veux sur tout ce qui nous éloigne. Tu sais très bien qu'à ce jeu, jamais personne ne gagne. Cette histoire, aucun de nous deux ne pourra l'effacer. Ce qu'il y a au fond de nos yeux ne s'oubliera jamais. Tu pourras dire n'importe quoi, des cris ou des menaces. Il n'y aura que toi et moi pour sortir de l'impasse. Patrick Bruel sur Vivacité, lequel de nous va lire les réactions Facebook? Pot, pot, pot, Aurore. Ah, c'est pour moi, chouette. On revient sur la question du jour. Oui, on vous demandait si vous utilisez des applications pour courir. Et Tommy nous envoie un SMS pour dire qu'il y a à boire et à manger dans ces applications. Si vous voulez pouvoir les exploiter un maximum, vous devez alors payer un abonnement mensuel, voire annuel. Les deux meilleurs sont malgré tout Runkeeper et Runtastic. Alors Rose, elle utilise l'application Formifit. Contrairement à toutes les autres applications, celle-ci est évolutive dans le sens où elle génère un plan d'entraînement personnalisé qui vous permet réellement de progresser. C'est très motivant car un coach vocal vous suit et vous guide en permanence. C'est le top. Pareil pour Garance qui utilise Formifit, 100% belge, 100% personnalisé. L'appli génère des plans d'entraînement qui font progresser en toute sécurité pour la santé. Et puis Thierry nous dit, je n'utilise pas ce genre d'application, sauf peut-être si on estime qu'une bonne playlist judicieusement sélectionnée constitue ce genre de logiciel. À bientôt 58 ans, je cours depuis longtemps et comme l'âge venant, mes performances ont naturellement diminué. J'ai eu la chance de découvrir le motivateur MQSA. Mieux que son âge. Alors comment ça marche? Pour faire simple, on prend son temps de référence sur 10 km. Oui. On soustrait son âge en années au résultat en minutes. Plus on est proche de zéro ou en négatif, plus ce sera motivant. Sachant que le train part. C'est à peu près ça. On a tous pris notre bic et on est en train de faire des calculs. D'accord. Bah écoutez, voilà. Continuez à réagir sur la page Facebook si vous voulez. Et application ou pas application, faites du sport, bougez, faites du sport, c'est bon pour la santé. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont corrompu le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça ! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'Hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du Derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'Hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demandé à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles. c'est nous tous. La STIB. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vivacité. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Your eyes light up the night, uh-huh, ooh, and when you touch me, oh, send shivers down my spine. Jeune bruxellois de 20 ans et ce morceau qui, ma foi, reste dans la tête. Le titre, c'est Home. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. On n'est pas des pigeons. On termine l'émission du jour avec un coup de gueule reçu par mail. Il est signé Jean-Jacques. Dans le cadre des randonnées, nous écrit Jean-Jacques, systématiquement, je les termine par un passage dans un café ou une taverne locale. C'est marrant parce que Annie venait juste de parler que quand elle faisait du sport, elle terminait au même endroit. C'est exactement. Au fil de mi-temps, comme on dit. Au fil des années, je suis interpellée par la fermeture de ces établissements. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est la différence du prix des consommations en Flandre et en Wallonie. Une bière spéciale se vend presque toujours à partir de 4€ en Wallonie, alors qu'en Flandre, les mêmes bières n'atteignent jamais ce montant. Le maximum étant 3,50€ selon Jean-Jacques. Autre différence en Flandre, le tarif est toujours indiqué sur la vitre extérieure. En Wallonie, il n'y a parfois pas de liste de prix à l'intérieur. Qu'en pensez-vous ? Bah, qu'on va devoir aller tester sur place. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, nous, Jean-Jacques ? On va conseiller à Jean-Jacques de continuer ses randonnées en Flandre, ma foi. Si vous avez des choses à nous dire, comme Jean-Jacques, faites-le aussi sur la page Facebook de l'émission. Oui, on n'est pas des pigeons, vous nous trouvez facilement. Vous pouvez aussi le faire par mail, hein, l'adresse est pigeon@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. Et si vous voulez bien expliquer brièvement de quoi il s'agit. On va se retirer sur la pointe des pieds, aller préparer l'émission télé qui aura lieu ce soir à 18h30. Et c'est Sylvie Honoré qui prend le relais pour prendre son pied toute l'après-midi. Merci. Je suis autorisée ? Allez-y, surtout, lâchez-vous. Oh. Aurore. Bon, oh, ça va, j'ai rien à faire. Ah, c'est pas vous ? Aurore. Je le fais bien, hein. Oui, oui, je fais les doublures dans les films. Elle l'a enregistré à quelle heure, Sébastien ? C'est du live, c'est du live. Ah, c'est du live. Je vous dis pas qui tient le fouet, hein. Bon, les orgasmes féminins, en effet, c'est le sujet du jour. Je me sens un peu seule. Vous savez ce que ça veut, vous savez comment ça se passe sur l'heure de midi quand on veut manger avec son invité en extérieur par ce beau temps. Oui. Faut vraiment se dépêcher. Donc voilà, c'est lui qui paye l'addition. Donc ça c'est bien. Donc j'ai pu courir jusqu'ici. Bah écoutez, si vous vous sentez un peu seul pour l'orgasme féminin, c'est, enfin, voilà, c'est un truc aussi. Hein. Monsieur, il va vous donner des trucs. Ouais. Ah oui, non, non, mais Monsieur Yves Psaltis, il était ici, il disait et alors, ça n'est pas grave. Hein, vous savez bien, ça n'est pas grave. Bon, donc c'est avec lui qu'on va reprendre un petit peu le cours des opérations sexuelles, hein, des thématiques sexuelles dans l'émission. Yves Psaltis, qui va donc ne pas tarder à venir me rejoindre pour parler de cela. On va faire vraiment une émission et je sais qu'on va toucher pas mal de personnes aussi. C'est vrai que les femmes sont en général nombreuses à témoigner sur la chose. Voilà, il y a celles qui ont des problèmes avec ça. Il y a des hommes aussi qui viendront, à mon avis, prendre la parole. Il y a celles qui simule. Et donc c'est vrai qu'en préparant l'émission, Yves Psaltis m'a dit, écoute, si tu savais le nombre de personnes qui viennent me consulter par rapport à ça, il faut absolument qu'on évoque le sujet sur antenne. Pas de problème, c'est pour aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue ce mardi 13 septembre, les orgasmes féminins. Si vous souhaitez prendre la parole, on peut évidemment cacher votre identité, changer votre prénom. 070 23 33 23, SMS 30 63, juste après le journal de 13h et juste après le point météo de Denis Que Voici. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous, du soleil et de la chaleur. Voilà résumé assez simplement et fidèlement la météo du jour, avec quelques nuages qui subsistent sur l'ouest du pays, sinon ailleurs plein soleil. Des nuages pourraient bourgeonner mais sans conséquence. On attend 27 à 28 degrés sur les hauteurs, 29 au littoral et entre 30 et 32 degrés sur le centre du pays. On pourrait peut-être localement dépasser très légèrement ces valeurs déjà records. Demain, on pourrait gagner 1 degré encore par rapport à aujourd'hui. Il y aura aussi beaucoup de soleil. Et puis jeudi, on surveillera donc l'approche d'une zone pluvio-orageuse qui devrait nous atteindre en fin de journée à partir de la frontière française. Très bon après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Plus de sauveteurs à la mer, plus possible de se baigner malgré le beau temps cet après-midi. Ce sera la même chose demain. À la côte belge, on cherche des solutions pour permettre la baignade en septembre à l'avenir. Nos voitures consomment beaucoup plus que ce que les constructeurs annoncent. 45% de plus selon une étude toulousaine. Pas vraiment une fraude selon les spécialistes de l'automobile, mais une manière de calculer qui utilise toutes les techniques possibles pour réduire la consommation. L'armée hollandaise engage des aigles pour surveiller les drones potentiellement dangereux.